بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما اخر درس اخذنا؟ نعم ظننت واخواتها. ما عمل ظن واخواتها؟ سيكون اخباي تنصيب الاسم والخبر. تعني المبتدا والخبر. نعم وكلاهما كلاهما يكون معمولا له. لدو دوبيان المعمول. مفعول عفوا. هنا مفعول. مفعول اول، مفعول ثاني. جنس منصوب تناصب مفعول اول، جنس مفعول ثاني. والى كم تنقسم هذه الافعال؟ ثلاث. تفضل. حتى التي تفيد الظن واليقين. التي تفيد اليقين والتحويل. لا ايوه تسيير وتحويل. احسنت. دونك من هنا كملنا النواسخ. اخذنا كان واخواتها، انا واخواتها، وظننت واخواتها. الان سندخل في قسم جديد من المرفوعات، وهذا قسم في الحقيقة يدخل حتى في المنصوبات. التوابع. توابع qui sont les suiveurs. C'est-à-dire les mots qui prennent l'irlob du mot qu'ils précèdent ou auquel ils sont attachés. توابع c'est le genre de تابع. Suiveur. من هنا نعلم كلمة التابعي. Ça veut dire le تابع. Ce sont les suiveurs des sahabas. C'est-à-dire la génération d'après. اولا سندخل اليوم ناخذ النعت بما يسمى بالصفه كذلك. نعت شيء للكوفيين، الصفه شيء للبصريين، سي لا ميم شوز. قال المصنف رحمه الله تعالى في الجرميه باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورايت زيدا العاقلة ومرت بزيد العقلي. ده سي لو نعت كي سي ا شو ان فرانسيز ابل سان ادجكتيف كاليفيكاتيف ان ديسكريبتيف سي ديسكريبتيف il suit la chose décrite dans tout son i'rab dans son raf s'il est marfou dans son khafd s'il est marfoud dans son nasb voyez s'il est ma'rifa, c'est ma'rifa comme lui. S'il est nakira, c'est nakira comme lui. Également dans son genre. Et dans son nombre. D'accord? Dans son genre, dans son nombre. Il le suit dans tout. Qala fi sharh. Hadha shuru'un min musannif fi al-kalam ala ma yu'rabu taba'an ghayrihi wa huwa arba'atu ashya. An-na'tu wa at-tawkid والبدل والعطف وبدا بالنعت ويقر له الصفة. Donc là il dit dans le charh que le musannif a commencé à citer le tawabi' qui sont les quatre catégories, quatre choses, c'est-à-dire qu'ils prennent l'i'rab des choses qu'elles suivent. Tu as le na't qui est le sifa, le tawkid qu'on va prendre également, le badel et le atf. Il a commencé par quoi lui? Le na't qu'on appelle également sifa. تعريفه هو التابع المكمل مدبوعه ببيان صفة من صفاته. C'est le suiveur qui vient compléter le suivi en éclaircissant une de ses sifats pour que tu le reconnaisses. مثاله قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلا ومرت بزيد العاقل. Donc là l'exemple qu'il donne قال الاعراب قام زيد العاقل. زيد ابو فاعل لمرفوع. تمام. العاقل سنعت صفه. دونك il a pris l'i'rab de quoi? De زيد لمرفوع مثله. رايت زيدا العاقلا. زيدا il est quoi? La mafoul bihi. العاقلا il va être quoi? منصوب comme lui. مرات بزيد العاقل. Zeydin, là il est majrour, par harf jar. Al-aqili, il va être majrour comme lui. Donc le na'at, khaf ni arab. Et également le suit dans d'autres choses, comme on l'a mis dans comme on a zakarna fi bidaya, fi i'arabihi, comme on vient de prendre là, wa tankirihi, si le nakira, il va être nakira comme lui. Fi ta'arifihi, il sera ma'arifa comme lui, si il est ma'arifa. Wa tafkirihi, si il est muzakkar, il sera muzakkar comme lui. Wa ta'nithihi, si il est féminin, il sera féminin comme lui. Wa fi ta'adadihi, dans son nombre. Si il est jam, il sera jam. Si il est musanna, il sera musanna. Et si il est mufrad, il sera mufrad. Il le suit en tout. قال ومن أمثلة النعت في القرآن الكريم قوله تعالى هذا صراط المستقيم ده زم النعت في القرآن هذا صراط المستقيم إلى هو المنعوت celui qui est décrit صراط c'est quoi son يعرب أيوة donc il est مرفوع donc مستقيم c'est النعت صفة صفة بصراط donc il a pris quoi نعم وقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم ان المنعوت صراط دي منعوت ودي موصوف ان النعت مستقيم نعم ليه منصوب كم lui car le premier il est مفعول به وقوله تعالى هداني ربي الى صراط مستقيم ان المنعوت صراط صراط C'est quoi son i'rab? Il est quoi? Majrour. Harf jar. Wa alam tujri, kasra, zaira, akhiri. Wa mustaqim, manout. Fa na'at al majrour, majrour misluhu, wa alam tujri, al kasra. Et min amsirat al na'at fi sunnah, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, الكلمات الطيبة صدقة الكلمات الطيبة صدقة طيب من أجل الإعراب de tout ça là l'exemple de la sunna le hadith الكلمات الطيبة صدقة حتى نعم مرفوع نعم أحسنت الطيبة Continue, je te dirai. Il y a un piège là. Il y a un piège. Il est facile. Parce qu'il y a aussi des éléments qu'on n'a pas pris. C'est peut-être pour ça aussi. Tu peux te... Alors, Taïba, alors c'est l'art. Dis ce que tu as à dire. Taïba, c'est l'art ou c'est la passée. Khabar, Ahsanta. Comment on sait cela? Ça, c'est une règle qu'il faut que tu prennes. Al-Asl. Ce qui est le plus fréquent, c'est que le Mubtada va être Ma'arifa et le Khabar va être Nakira. Souvent. Ou alors, si le Khabar soit Ma'arifa, il sera d'un Ta'arif Aqal min al-Mubtada. Car là, on va prendre les Maratib al-Ma'arif. Les Ma'arifa, on va les prendre là maintenant, Inch'Allah. Et certains sont أعلى من بعضها بعض المعارف أعرف من بعضها المبتدا est toujours plus connu que le khabar obligatoirement ou des fois il peut être égal mais le khabar ne sera jamais أعرف من المبتدا أبدا donc là on a deux معرفة et un نكرة donc forcément l'un des deux معرفة sera le نعت de l'autre car le na'at, on a dit quoi? Il suit le man'out dans toute chose. Tu ne pourras pas avoir un man'out ma'arifa et son na'at nakira. Donc il sera quoi? Il sera le khabar à ce moment-là. D'accord, M. Salen, Ar-Rajulu Qa'imun. C'est quoi là? Ar-Rajulu Khabar. Ar-Rajulu At-Tawilu قائم الرجل مبتدا ايوه طويل نعت صفه Qaimun, khabar. Parce que beaucoup de gens, là-dessus, ils confondent. Ils confondent. Ils n'arrivent pas à se distinguer c'est quoi le khabar, c'est quoi le na'at. Parce qu'ils n'ont pas étudié Bab Ma'arif. Et quand tu as pris Bab Ma'arif, chose qui est obligée d'être suivie pour connaître les ahkam du na'at, comme on va le prendre maintenant, Inch'Allah, tu peux t'embrouiller dans ce Bab-là. Quand il y a Soul, il t'a rabouté. فقال المصنف maintenant باب المعرفة منكرة faut comprendre cela pour pouvoir distinguer le na'at savoir ce qui est معرفة ce qui est منكرة قال المصنف الأجرمية والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت والاسم العلم نحو زيد ومكة والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. Donc là, il te dit que le ma'rifa, c'est cinq choses. Le domir, comme ana wa anta, ism alam, ce qu'on appelle un nom propre en français, comme Zayd, Mekka, ism mubham. Et ce mubham, on va le prendre. C'est ce qui est ism shara, comme ha'ulai wa ha'adha wa ha'adhi, ou ism mawthul, comme alladhi. D'accord ? Ça rentre dans ism mubham. Également, l'ism alladhi dakhala ali el, alif ou lam. Ce sera ma'rifa. Et akhir shay, lui, il a mis 5 en mettant ism mubham ensemble. En vrai, ils sont 6 en séparant ism mubham, en divisant en fait, qui sont ism mawsou et ism shara. Et le dernier des ma'arif, c'est ce qui a été rendu mudaf à un ma'arifa, c'est-à-dire à une des choses précédentes. D'accord ? Une des choses précédentes. قال في شرح لما ذكر المصنف أن النعت يتبع المنعوت في تعريفه وتنكيره ولم يتكلم فيهما وفيما سبق على التعريف والتنكير يحتاج إلى بيان النكرة والمعرفة لتتم الفائدة. Donc là, après que le Moussanif ait parlé du Na'at, il a été contraint de citer Ma'arifa ou Nakira pour qu'on puisse bien comprendre le même du Na'at. قال النكرة اسم يدل على شيء غير معين. Ce qu'on appelle une chose indéfinie en français. مثل رجل وامرأة ومدينة. Comment tu connais le Nakira ? Il y a un tanwin à la fin. في الغالب. Sauf pour l'ism ممنون من الصرف. لا محمد اسم علم في تنوين في آخره. Je te dis comment reconnaître Nakira. Je n'ai pas dit tout Tanouin est forcément Nakira. Mais le isme Nakira, parmi ces signes, pour que tu le reconnaisses, c'est qu'il y a un Tanouin à la fin. Maintenant, ce n'est pas tout Tanouin qui est forcément Nakira. Et le ma'arifa, c'est quoi ? Ismoun yadullu ala shayin mu'ayyan. Une chose définie. Mith, Zayd, wa Aisha, wa Mekka. Zayd, mais il y a un Tanouin. C'est un isme ma'arifa. Pourquoi ? On va le prendre maintenant. Aïcha, c'est un nom propre. Mekka, كذلك. Tamam. قال والمعرفة ستة أقسام. Six catégories. Regarde, on va prendre. Pourquoi il dit 6 lui ? Dans le mot, il dit 5. On va le prendre maintenant. Dans cette fakra. أولا الضمير. والعلم. Ce qu'on appelle اسم, un nom propre. واسم الشارع. واسم موصول. Et voilà pourquoi il lui dit 6, car le Moussanif dans le Ujrumiya, il a mis Ishara ou le Moussour, un seul isme qui est Ism Mubham. C'est un isme qui a besoin d'autre chose pour être défini. Il l'appelle Mubham pour cela. Et lui, il est séparé. Donc ça fait 6. Si tu les mets ensemble, ça fait combien ? 5. Donc il n'y a pas de khilaf. C'est juste le taksim, il est différent, c'est tout. Thumma al-khamis al-mu'arraf bi-el. Le nom dans lequel elle est rentrée. Wal sadis al mudaf il est ma'rifa et mudaf il est à une de ces choses précédentes on va dire. S'il est mudaf à un damir ou un alam ou ism shara ou ism usul ou un ism qui a elle, il va être ma'rifa. Maintenant il va faire ça entre ces choses là. قال اولا اسم يعني الضمير الى سي مراتب كما نقول له سي لو ترتيب دي معارف لو ضمير سي لو بلو سي لو اعرف ensuite vient après lui اسم عالم ensuite vient après lui اسم شارع اسم موصول ensemble ensuite on se souvient اسم avec elle et en dernier le mudaf une de ces choses là là c'est le tartib ils sont pas tous égaux le damir c'est le a'la c'est le a'raf bel a'raf shay wa Allah comme il dit a'raf shay wa Allah tamam c'est Allah azza wa jal dans le tartib des ma'arif on l'accent pour apprendre là c'est le damir quand tu dis ana c'est qui directement quand je dis anta c'est qui directement je te dis zayd zayd pour plusieurs zayd ainsi de suite فهمت الضمير اسم يعين والمسمى بواسطة التكلم أو الخطاب أو الغيبة مثل أنا وأنت وهو هذا الضمير أنا pour المتكلم أنت pour الخطاب et هو pour الغيبة الغائب تقول أنا حاضر فيدل الضمير أنا على ذات المتكلم المعين بواسطة التكلم انا c'est un dhamir qui définit une chose définie par quoi par le biais de l'oration comment on dit l'oration comment on dit l'oration on dit takallum le fait de parler si j'ai inventé un mot c'est pas grave فهمت هذا donc ça c'est le premier ثاني العلم ce qu'on appelle nous un nom propre. Ism yu'ayyin wal musamma bila wasita. Il n'a besoin d'aucun intermédiaire. C'est une chose définie en elle-même directement par son nom. Mism Zayd, pour un nom qui s'appelle Zayd. Mekka. Mekka, c'est la ville de Mekka. Wa Abu Bakr. Là, c'est un quoi? Une kunya. La kunya rentre dans Isma Alam. La kunya rentre dans Isma Alam. Et Al Farouk. Al Farouk, là, il veut dire quoi par loi? Laqab, le surnom. Si demain tu as un surnom, et pendant le jugement, lui il se met à l'âme. قال فالعلم يدل على ذات معينة بدون واسطة أي بدون قرينة خارجة عن لفظه فهمت هذا؟ العلم يحتاج إلى شيء لكي يدل على المسمى Il n'y a pas besoin de voir si tu as d'intermédiaire ou d'éléments externes qui te prouvent la chose que tu veux indiquer. Le domaine lui-même, c'est noir, c'est en lui-même. Comment tu vides quand tu dis Anna à ta calèbre, tu parles de toi? Comment tu vas faire pour parler de toi? Comment tu vas faire? Tu as besoin de noir, c'est toi. C'est pour toi, c'est quoi? C'est le domaine. Ou tu veux parler à quelqu'un, tu veux désigner toi. Comment tu veux lui parler? Il te faut un noir, c'est toi. على لوتم المسفي ثم ذكر ثالثا اسم الاشاره بدون انديكاتيف كما يقولون اسم يعين المسمى بواسطه الاشاره اليه فهمت هذا que c'est un nom que tu indiques une chose nominée que tu indiques par quoi par une indication Et souvent, ça peut être le doigt, la salène. C'est d'accord. D'accord, la salène, Mad Mohamed. Tu fais Aza, tu l'indiques. Tu veux indiquer Mohamed par l'ism Shara. Et en même temps avec ton doigt, si tu veux. Ou sinon avec ta tête. Aza. Donc là, tu as un élément externe qui t'indique la chose que tu veux nominer. C'est quoi? Ism Shara. وأسماء الإشارة هي هذا يشار به المفرد المذكر نحو هذا طالب pour le مذكر مفرد هذه يشار بها للمفردة المؤنثة نحو هذه طالبة pour indiquer féminin singulier هذان يشار به للمثنى المذكر نحو هذان طالبان pour indiquer le duel مذكر masculin هاتاني يشار به للمثنى المؤنث نحو هاتاني طالبتان pour indiquer musanna féminin. Haoulaï. Yusharu bihi l'jam al-muzakkara kana ou muannatha. Nahu haoulaï tullab wa haoulaï talibat. Donc là, haoulaï, c'est pour indiquer le pluriel. Mixte. فاسم الاشاره يدل على شيء معين بواسطه الاشاره اليه tu indiques la chose assalamu alaykum chose nommée par le moyen d'une indication ثم خامسا الاسم الموصول اسم موصول اسم يعين المسمى بواسطه الجملة التي تأتي بعده وتسمى صلة. C'est une chose que tu indiques qui est suivie par une phrase qui s'appelle صلة. اسم موصول دائما يأتي بعده جملة تسمى طيب تسمى صلة. Donc les asma al-mawsoula, que sont-ils? الذي المذكر المفرد masculin singulier نحو الذي علمك جاء الذي علمك. Donc là, regarde bien après الذي, il y a quoi qui vient derrière? جملة اسمية علمك. الذي ne vient pas tout seul, il y a forcément derrière une جملة qui vient derrière, comme on a dit. جملة صلة. Et dans cette جملة là, il faut trouver un ضمير qui revient au اسم موصول يسمى العائد. احيانا يظهر واحيانا ما يظهر. Des fois il apparaît, des fois il apparaît pas. Ça c'est une faïda en plus quand même. Là مثلا dans جاء الذي علمك, le عائد c'est quoi? ضمير مستتر. احسنت. اي هو. ثم التي المفردة المؤنثة نحو جاءت التي علمتك علمتك. Là, l'ati, c'est pour le singulier féminin. Ja'at allati alamatka. Jumla sila innahu innahiya alamatka. Jumla fi'liya. Wal a'id damir mustatir. Taqdiruhu hiya. Hakadha, d'aymen. Alladhani lil musanna al muzakkar. Nahu ja'a alladhani allamaka. Pour le duel muzakkar. Alladhani. اللاتي عفوا قبل هذا اللتاني اللتاني للمثنى المؤنث pour le duel féminin نحو جاءت اللتاني علمتاك طيب علمتاك ثم قال الذين للجمع المذكر pour le pluriel masculin نحو جاء الذين علموك تمام واللاتي واللائي تمام اللاتي واللائي للجمع المؤنث ولو فلوريال فيمينا لي دو اون لي امبلوا اللاتي واللائي نفس المعنى نفس الصوت في نفس الصوت نحو جاءت اللاتي واللائي علمناك طيب علمناك tu l'as compris là celui-là علمناك ouais le nul c'est nul niswa c'est le fa'il قال فالاسم الموصول يدل على معين بواسطه الصله تقول جاء الذي علمك donc comme on a dit ça t'indique la chose nominée par le biais d'une phrase صله فالاسم الموصول الذي لا يتعين الا بواسطه صلته وهي جمله علمك وبدونها يكون مبهما donc الذي c'est celui par lequel tu désignes une chose mais par le biais d'une phrase صله car sans cette phrase là il y a rien qui est bien tu dis مثلا جاء الذي مثلا جاء الذي جاء الذي ماذا t'attends de quoi d'une واسطه cette واسطه c'est quoi la phrase صله qui vient derrière sinon tout seul il n'aura pas de sens ça sera مبهم. Ça sera défini. ثم قال المعرف بال اسم دخلت عليه ال فافادت التعريف. C'est le nom dans lequel est rentré ال qui a un sens de تعريف. Quand des fois ال y rentre, il n'a pas un sens de تعريف. Ça arrive. مثلا العباس. عباس à la base c'est quoi? عباس. اسم علم, c'est un nom propre. صح؟ En lui-même, c'est les معرفة. Le ال qui rentre là, c'est pas pour te... Là, tu fais des تعريفs. Car à la base, عباس en lui-même, c'est اسم علم. Il n'a pas besoin de L. Il n'a pas besoin de L. Donc là, le L qui est venu, ce n'est pas pour ta'alif. Mais ça, c'est rare. D'accord? C'est rare. Mais à la base, L, il est d'accord avec l'ism, tu fais d'où? Et ta'alif. Mathalain, El Kitab. Quand il est nakira, tu veux dire Kitabun. Il est d'accord avec L, tu as El Kitabu. Il n'y a plus de tanwin. Qalamun, nakira. Il est d'accord avec L, tu as El Qalamu. Talibun. إذا دخل أل تقول الطالب. فهذه الأسماء كانت قبل دخول أل نكرات مبهمة لا تدل على معين. تقول مثلا اشتريت كتابا فقرأت الكتاب. بعض الناس تقول اشتريت un livre. La kitab il est nakira. Après tu dis فقرأت الكتاب. J'ai lu le livre. Là il est معرفة. فكلمة كتاب نكرة ولكن حين أدخلت عليها ال صارت معرفة يعني الكتاب. Et le L, il y a différentes catégories, on les a pris dans ce le fiqh. On ne va pas les reciter. Le L, il y a différentes catégories de L. Et هذا شرف كتاب آخر. ومن يريد أن يعلم شيئا من ذلك فعليا يرجع إلى كتاب اللي درسنا في أصول الفقه في الأصول من علم الأصول. آخر والمضاف إلى معرفة اسم نكرة أضيف إلى أحد المعارف فاكتسب التعريف بإضافة إليه. En fait, c'est le مضاف à l'une de ces choses-là qu'on vient de prendre là. Un معرفة. D'accord? La chose, tu l'as en مضاف. Il y a un côté d'appartenance à une chose connue. معرفة, définie. مثلا, كلمة كتاب كتاب هذا معرفة هذا نكرة. Maintenant tu vas dire كتابي mon livre. الآن صار معرفة. ليش معرفة؟ Pourquoi؟ أضفته إلى ضمير. Tu l'as rendu مضاف à un ضمير. Le ضمير est معرفة. On dit كتابي. On sait de quel livre tu parles. Mon livre. كتاب زيد. Livre de زيد. معرفة. Tu sais de quoi tu parles. معين. كتاب هذا. كتاب هذا تقول هذا كتاب من هذا سيكلي دو كي كتاب هذا فيفون فيد avec ton doigt معرفة الآن وتقول كتاب الذي زارنا كتاب من هذا سيكلي دو كي سيكلي دو celui qui nous a visité ah زيد معرفة كتاب الطالب livre de qui celui-là livre du طالب d'accord maintenant طالب tu peux ajouter encore quel طالب mais ça devient معرفة. لو قلت هذا كتاب طالب c'est le livre d'un طالب ça aurait été نكرة. Pourquoi طالب il est نكرة. مثلا t'as une salle dedans t'as un tajir t'as un adjar un menuisier t'as un haddad t'as un forgeron t'as un sayed t'as un pêcheur et t'as un طالب un étudiant. On dit, هذا كتاب من هذا. قال هذا كتاب الطالب. خلاص, c'est le livre de l'étudiant. C'est pas celui du Nadjar. C'est pas celui du Haddad. C'est pas celui du Tajir. C'est celui de qui? Du طالب. Donc il est معرفة. Tu sais ce qu'il طالب dans la place? C'est زيد. أعطي كتابه. فهمت هذا? نعم. Maintenant, on aurait dit, هذا كتاب من? كتاب طالب. أي طالب? Quel étudiant? Pourquoi est-ce que là, maintenant, il est نكرة? كتاب طالب. Donc il n'est pas défini là. Tu sais pas c'est qui. فهمت? طيب. Donc المضاف الى نكره نكره مثله. والمضاف الى معرفه معرفه مثله. ثم نكمل بالنكره. قال المصنف في الأجرمية والنكره كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتقريبه كل اس او كل ما صلح دخول الالف واللام عليه نحو الرجل والفرس. Donc là, il dit que le nakira, c'est un nom qui se, d'un élément qui se confond dans sa nature, on va l'expliquer, et qui ne se spécifie pas des autres, qui ne distingue pas d'un autre. Et une approche, on dira, tout ism dans lequel il est possible de rentrer elle, et qui devient ma'arifa par la suite. Comme ar-rajul, avant c'était ar-rajul, yakbal elle, asbaha, معرفة بعد ما كان نكرة وعلى ذلك قال في الشرح بعد أن فرغ المصنف من ذكر المعرفة وأنواعها شرع في ذكر النكرة maintenant après qu'il définit المعرفة ici les نكرة qui sont opposés هي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر donc c'est un nom d'une chose, d'un élément dans sa nature, dans sa catégorie de sa nature, qui ne se distingue pas d'un autre. Il va expliquer maintenant. مثال كلمة رجل في قول الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى فإن كلمة رجل لا تدل على فرد معين لأنه يمكن إطلاقها على أي رجل فهي إذن لفظ شائع في جنس وفي جنس الرجال لا يختص به واحد من إفراد الرجال دون الآخر. Par rapport à Allah dans le sens où il dit qui est venu un homme du bout de la ville. Rajulun. Huna wa nakira. Comment on dit Rajulun? C'est un homme parmi tous les hommes. Elle, est-ce qu'il se distingue des autres hommes? Ça peut être n'importe quel homme. C'est ça, Nakira. T'as cool. Hada kitabun. C'est un livre. C'est un livre. T'as plein de koutoub. Un des koutoub nahou. Un des koutoub aqida. Un des koutoub usulifiq. Un des koutoub mustalah. T'as plein de koutoub. Tu dis hada kitabun. En disant hada kitabun, est-ce que tu le distingues des autres koutoub, celui-là? C'est un livre. De quoi? Ça veut dire que ce livre-là, par rapport aux autres koutoub, il n'est pas distingué. Il n'est pas distinct. C'est un livre parmi les livres. Donc il est nakira. Vous avez vu ça? Ala talib, mitullab. Talib. Quelles sont ses particularités? Est-ce qu'il est muayyen? Est-ce qu'il est désigné pour une chose particulière? Non. Il est nakira. Vous avez vu? Il est nakira. Donc c'est ça qu'il veut dire par là. Shayaf et jinsi, c'est-à-dire un élément dans sa nature qui ne se distingue pas des autres. C'est un parmi tant d'autres. En fait. Sans distinction particulière. عين معين لي با ديزيني قال وتغرف النكرة أيضا بأنها الاسم الذي يقبل دخول ال في أوله وتؤثر فيه التعريف que c'est également le nom qui accepte ال et qui par la suite devient معرفة par ce ال مثلا رجل كتاب شجرة كل هذه الأسماء نكرة لأنها تدخل عليها ال فتصير معارف فتقول الرجل والكتاب والشجرة والفرس quand elle est rentrée c'est devenu des asma ma'rifa الرجل l'homme الكتاب le livre quand on dit ça c'est de quel livre tu parles الشجرة l'arbre الفرس le cheval وغير ذلك فهمت هذا donc là on a dû un peu s'attarder car à la base pour comprendre le na'at, il faut comprendre ses conditions et parmi ces conditions an yadba' al man'ut fi ta'rifihi wa tankirihi qui le suit dans son nakira et dans son ma'rifa. Donc si on ne sait pas c'est quoi ma'rifa nakira, comment on va savoir que c'est un na'at? Pourquoi pas? لازم ناخذ هذا الباب فاخذنا الان الحمد لله باختصار وذا يكفي ان شاء الله تعالى. Donc là on a pris le na'at et on a pris le ma'rifa et le nakira. الدرس مفهوم تأكد فإلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك